Phrase 26, observation. Discrimination, celui-ci, celui-là, celui de, celui qui prend celui-ci. Prends celui-là. Prends celui de Mireille. Prends celui qui est bleu. Remarquez que celui, celle, ce, celle, n'est pas utilisé seul. Celui est suivi de si, ou de là, ou de qui, etc.